بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc alhamdulillah, on poursuit nos assises concernant les conseils pour le mariage. Donc hier on avait commencé à parler des facteurs pour réussir sa vie maritale, sa vie de couple. On avait notamment parlé à la fin du cours de la tendresse, l'importance de la douceur avec l'épouse. Avant de revenir à ce point-là qui est donc le démarrage dans la vie, il y a un point que j'avais oublié de citer, et c'est une erreur que font certains, et c'est le fait de fréquenter la sœur donc qu'on a demandé en mariage alors qu'on n'est pas encore marié. Il y a ce qu'on appelle la khutbah, donc c'est quand on se présente au wali, au responsable de la fille en question, et qu'on la demande en mariage. À ce moment-là, tant qu'on n'a pas fait al-aqd al-shar'i, le contrat de mariage, ce n'est pas notre femme. Et elle a le même statut, exactement le même statut que les autres femmes. Donc c'est une ajnabiyya, c'est une femme étrangère. Donc avec laquelle on n'a pas le droit de dialoguer, on n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de voyager ou autre. Et on remarque que certains, donc après avoir fait la khutba, ils considèrent la femme donc qu'ils ont demandé en mariage comme leur femme. Et ils commencent déjà à sortir. Ils vont faire les boutiques, choisir leur salon, aller voir le papier peint, quelle couleur vont choisir pour leur chambre à coucher, leur couette. Ils commencent à s'acheter des vêtements. Le mari prend, enfin le mari, c'est pas encore le mari justement, le frère prend la sœur et en véhicule, etc. Tout ça c'est interdit. Il n'a pas le droit de la fréquenter car c'est une femme comme une autre. Et une fois qu'il a fait donc l'acte de mariage, alors ça devient son épouse et il a le droit de faire ce qu'on a le droit de faire avec sa femme. Si ce n'est vraiment ce qui relève de al-hajat, des besoins vraiment importants, alors à ce moment-là, soit on passe par le wali, hein, qui ensuite transmet les informations concernant éventuellement, si jamais on doit prendre un appartement ou des choses qui relèvent du mondain, à ce moment-là, il n'y a pas de mal donc à prendre contact si le wali est présent, à travers le wali bien sûr. Donc on revient à la vie de couple. On avait dit que la base donc dans la vie avec une femme, c'est dans la mu'amala, dans le caractère que l'on doit adopter, c'est la douceur, hein, la douceur comme l'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et on avait cité le hadith dans lequel le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit « La yakunu rifqu fi shay'in illa zanah, wa la yunza'u min shay'in illa shanah. » La douceur n'est pas dans quelque chose sans qu'elle l'embellisse, elle n'est pas enlevée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Donc ça c'est la base, hein. Il ne faut pas croire que le mari qui va avoir le respect de sa femme et vivre une belle vie, c'est celui qui par virilité et autorité prononcée, exagérée, impose une mauvaise ambiance dans la maison, etc. Ce n'est pas comme ça qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam était doux avec ses femmes, d'ailleurs même avec ses compagnons radiyallahu anhum, et même avec certains mécréants quand le contexte implique cela. Et ça c'est la base avec laquelle on doit vivre avec notre femme. Et on avait parlé de l'importance de connaître donc la psychologie féminine. On n'est pas spécialiste en la matière, mais les savants parlent de ça. Et ils disent que la femme, elle marche de manière principale avec les sentiments. Alors que l'homme, c'est l'intellect. La femme, elle est très touchée par ce qu'elle entend, par la manière d'être de son mari. C'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était doux dans ses paroles avec ses épouses. D'ailleurs, Aïcha, il l'appelait souvent Aïch. Hein, et de cela tire les savants qu'il est bien, il est recommandé donc pour le mari de donner un surnom à sa femme. Et ça c'est ce qu'on appelle at-talatuf, hein, c'est faire preuve de douceur, hein. La femme a besoin de sentir qu'il y a une complicité, qu'il y a une intimité entre elle et le mari. Et le prophète alayhi salat wa salam faisait ressentir ça à sa femme à travers ce surnom qu'il lui donnait. Donc ça c'est la base, la douceur, la sagesse. Et on avait parlé du fait de donc donner de l'amour à son épouse. On parlait de l'amour fillah et azzawajal qui est la base. Mais nous, ce qu'on voulait développer, même si ça fait partie toujours de l'amour fillah, car c'est quelque chose qui fait partie de la religion, mais c'est qu'elle ressente vraiment que son mari l'aime. Et que le mari aussi ressente que sa femme l'aime à Allah subhanahu wa ta'ala pour les qualités qu'elle a. Et ça, ça se travaille hein, avec les qualités qu'on a, avec notre manière d'être, hein, avec la douceur, la sagesse qu'on a citée auparavant. Ensuite, avant de se marier, ça c'est important, il faut apprendre les droits et les donc devoirs que l'on a, d'où cette série de cours. Et lorsqu'on donne les droits à notre femme, hein, et donc on fait nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, puis envers cette femme-là, hein, ça amène de l'amour dans le couple. Et ce qui amène de la désunion, c'est souvent al-dhulm. C'est lorsqu'on va donc faire de l'injustice à cette femme-là. Et le dhulm, c'est le fait de ne pas donner le droit à son épouse. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc dans Khutbatul Wada', dans son discours d'adieu, il nous a donné des conseils. Parmi ceux-ci, il a dit wa an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Et parmi les droits de la femme sur vous, c'est que vous leur donniez donc des bons vêtements et aussi de la bonne nourriture. Ça, c'est son droit sur nous, qu'on lui donne un bon domicile, qu'on lui donne des bons vêtements et qu'elle aussi mange bien. Et ça relève du droit donc de la femme sur le mari. C'est un wajib envers le mari. Ce n'est pas recommandé. Il est obligatoire pour le mari de vêtir sa femme et de bien la vêtir. Et quand on veut dire bien la vêtir, c'est-à-dire avec les critères shari du hijab. Et aussi de bien la nourrir et aussi de lui donner un bon domicile. Dans le sens shari et non pas dans le sens du urf, de la coutume ici. Un bon domicile ici, c'est parfois quelque chose qu'on ne peut pas avoir si ce n'est par les chemins du haram. Donc ça, c'est un droit de la femme sur le mari. Et elle a aussi d'autres droits hein, qui sont nombreux. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah tuqabbih, et aussi de ne pas l'insulter. Il ne faut jamais insulter sa femme. On avait parlé hier donc du fait de lui faire des remarques sur le physique. Ça, c'est quelque chose qui dégrade les couples. Et souvent certains frères, quand ils se marient, ils sont jeunes, ils sont immatures, et ils ont gardé l'habitude entre collègues et ramènent ça donc dans leur couple. Et ils traitent leur femme comme un copain. Déjà même entre nous, on ne doit pas se faire ce type de blague là hein, s'insulter les uns les autres, mais c'est encore pire quand c'est dans le couple, car la femme, on a dit, elle marche avec le sentimental et elle fait très attention à ce que tu dis. Lorsque tu lui dis qu'elle est grosse, lorsque tu lui dis qu'elle est ceci ou cela, elle enregistre et elle prend au sérieux ce que tu dis, et après elle peut créer un complexe. Et déjà que les pressions de la société sont nombreuses hein, aujourd'hui c'est le physique des mannequins, des femmes, etc., que vous connaissez, qui sont mis en avant dans les films, les panneaux publicitaires, à la télé, etc. Donc ça, déjà, ça crée une pression sur les sœurs. Et si en plus, elle a un mari qui, à la maison, lui fait des remarques sur son physique, ce n'est pas quelque chose qui va arranger la situation. Quelque chose qui est important par rapport à l'amour, de manière générale, dans le couple, c'est les rapports sexuels. Et la première nuit, on va décrire, il y a certains sunan que des frères ne connaissent pas, certaines traditions qu'ils ne connaissent pas, qu'il est important d'appliquer, inshallah, dans ce qu'on appelle Laylatou Zafaf. La première nuit, lorsque ta femme pénétrera chez toi. Il est rapporté dans un hadith, rapporté par Ibn Majah, rahmatullah alayh, que Cheikh Al-Albani a rendu bon, dans lequel le prophète, alayhi salatu wa salam, donc a dit que lorsque on accueillait sa femme, qu'on mettait sa main, qu'on doit mettre sa main droite sur son front et qu'on dise l'invocation suivante: Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayh. Oh Allah, je te demande son bien et le bien qui a été mis en elle, et je me mets sous ta protection contre son mal et le mal qui a été mis en elle. Et cette doa, comme ont montré les savants, c'est quelque chose que l'on dit à voix basse. La femme ne doit pas entendre cela, même si c'est quelqu'un qui connaît la sunna, elle sait ce qu'on est en train de dire. Et nos lèvres bougent, bien sûr, on se fait entendre soi-même, mais on ne fait pas entendre l'épouse. Et on met sa main droite sur le front de la femme. Il est rapporté aussi par certains salafs, notamment Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans le Musannaf d'Abd al-Razzaq, le fait de faire deux rak'at avec sa femme. Mais il n'y a pas de sunna concernant cela. Et il est donc, on ne va pas dire recommandé, ni obligatoire, parce que même dire recommandé, le simple fait qu'un compagnon l'ait dit comme cela, et qu'on n'a pas vraiment de hadith authentique, une parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou une action du prophète alayhi salatu wassalam, on va dire qu'il n'y a pas de mal et qu'il est légiféré. de faire cela. Donc de faire deux rak'at avec son épouse ensemble, le mari devant et la femme derrière, comme l'a préconisé Abdallah ibn Mas'ud et d'autres salafs aussi, c'est rapporté dans des récits. Et ensuite, lorsqu'on veut avoir un rapport avec sa femme cette nuit-là, la première nuit, dans notre hadith, elle dit Asma bint Sakan, rahmatullah alayha, radiyallahu anha, elle dit que c'est elle qui avait embelli Aisha, radiyallahu anha, pour sa première nuit avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, sallallahu alayhi wassalam, avait donné un verre de lait. Il avait pris un gros récipient dans lequel il avait donné, mis du lait, il avait donné à Aisha, radiyallahu anha. Donc ça rentre dans al-mulatafa. Donc les savants disent que c'est bien lorsqu'on accueille sa femme de commencer avec une assise dans laquelle on va boire quelque chose, discuter, plaisanter avec elle afin de la décomplexer et ensuite commencer les rapports sexuels. Comme vous savez, la plupart vous êtes au courant biznillah azawajal, qu'il y a une invocation avant de toucher sa femme. C'est le fait de dire bismillah, et cette invocation elle est dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Bismillah, au nom d'Allah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana. Oh Allah, éloigne de nous Satan et éloigne Satan de ceux que tu vas nous donner. Donc c'est-à-dire sous-entendu l'enfant si il est procréé lors de ce rapport-là. Et le prophète alayhi salat wa salam a dit que si jamais donc un enfant était procréé lors de ce rapport, cette nuit-là, Shaytan n'aurait pas de pouvoir sur lui. Et ça, c'est avant de toucher sa femme. Le prophète, alayhi salat wa sallam, il a dit « Idha arada ahadukum an ya'ti azawjata » Lorsque l'un d'entre vous veut toucher sa femme, veut avoir un rapport avec sa femme. Donc ça, c'est une invocation qu'il faut vraiment apprendre par cœur. Et si on ne la connaît pas par cœur, on l'écrit sur un bout de papier. Et avant de toucher sa femme, on prend le bout de papier, on lit, on pose le papier et après, on a le rapport avec sa femme. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est la sunna du prophète, alayhi salat wa sallam. Donc, il faut l'appliquer notamment pour que cet enfant, s'il est procréé, inshallah, il soit protégé d'Iblis. Donc parmi les adab du rapport sexuel, et ça c'est cité par les savants, en réalité on n'a pas de leçon à tirer, nous des mécréants, à ce niveau-là. Déjà même dans Al-Jahiliya, les Arabes, c'était des gens très romantiques, et il suffit de lire leurs poèmes, même si on met en garde contre ça, il ne faut pas les lire leurs poèmes, mais certains savants les apprennent parce qu'il y a des shawahid dedans. Il y a des témoignages que tel terme appartient à la langue arabe. Et l'intérêt des poèmes anti-islamiques, c'est ça. Car les poèmes arabes, au bout d'un certain siècle, notamment le siècle à peu près, l'époque de l'imam Shafi'i, ce qui est venu après l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, environ un jeune. C'est une estimation. Ce sont des poèmes qui ne sont plus témoins de la langue arabe. Donc quand on observe les poèmes des Arabes, on voit que c'était des gens qui savaient faire avec les femmes et qui étaient très sentimentaux, etc. Et l'islam est venu et a, alhamdoulilah, renforcé cela. Et les compagnons, radiyallahu anhum, étaient des gens qui étaient exceptionnels avec leurs femmes dans leur comportement et leur manière d'être. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, avant tout. Donc l'importance, lorsqu'on fait un rapport, de ce qu'on appelle les prémices. Ça, c'est important. Et celui qui néglige ça, il est en train de négliger le droit de sa femme sur lui. Car l'homme, comme on sait, en dehors de la pénétration et l'éjaculation, il n'a pas beaucoup de plaisir, ou du moins, il n'a pas autant de plaisir que la femme. La femme, non. Elle a d'autres sensations, et elle est différente de l'homme. Et tout ce qui va arriver avant la pénétration de l'homme, c'est des choses qui sont importantes pour elle. Et la plupart, vous connaissez, il y a certaines zones sensitives chez la femme, il faut essayer de les apprendre, et surtout de les découvrir chez sa femme. Car les femmes sont différentes les unes des autres. Et ça s'apprend avec l'expérience, avec sa propre femme, on le découvre, et elle aussi, elle nous découvre. Mais celui qui néglige ça, et qui tout de suite va à la pénétration, c'est quelqu'un qui a bafoué le droit de sa femme, et elle ne profitera pas de ce rapport-là. Et ça a un impact après sur le quotidien, sur la vie de la femme. Car la femme qui n'est pas épanouie sexuellement, sauf s'il y a excuse auprès du mari et qu'elle patiente envers la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. Mais s'il a la capacité de l'épanouir à ce niveau-là et qu'il la néglige, ça va causer des problèmes. Et ça risque même de pousser la femme à aller voir ailleurs si jamais elle fait preuve d'une foi faible. Donc lui donner le droit à ce niveau-là, c'est extrêmement important. Et ensuite, lorsque on est dans le rapport après la pénétration, Les savants, ils parlent de ce point-là, de retenir son éjaculation et de ne pas éjaculer tout de suite et d'être égocentrique, égoïste et de penser qu'à son plaisir. Ensuite, lorsqu'on veut avoir un autre rapport après la première éjaculation, il est recommandé de faire ses ablutions. Comme c'est cité dans le hadith de Omar, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدَ » car c'est mieux pour reprendre des forces pour le retour, pour le deuxième rapport. Donc ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Donc les rapports aussi, la base, comme vous savez, c'est qu'il est tout permis, sauf d'avoir des rapports anaux par l'anus. Et les positions sont toutes permises. Et il y a des hadiths dans lesquels il est rapporté la raison pour laquelle est descendu le verset de Surat al-Baqarah, Nisa'ukum harthul lakum. Vos femmes sont un champ pour vous. Fa'tu harthakum annashi'tum. Venez à votre champ comme vous le voulez. Il y a plusieurs riwayas. Il y en a une de Jabir dans le Bukhari Muslim qui dit que les juifs disaient que celui qui avait un rapport avec sa femme par derrière, donc par le vagin par derrière et non pas l'anus, on a compris que par l'anus c'est interdit, que l'enfant qui allait naître de ce rapport-là allait être louche, qu'il allait loucher avec ses yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset pour démentir la parole des juifs. Dans un autre hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il rapportait que les Ansar, c'était des wathaniyin, des adorateurs donc de statues. Et il suivait les gens de Ahl al-Kitab de Médine avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam dans beaucoup de leurs traditions parce qu'ils pensaient que c'était des gens qui avaient une certaine supériorité sur eux en raison du fait qu'ils ont un livre. Et parmi les traditions des gens du livre qu'ils suivaient, c'était qu'ils n'avaient des rapports avec la femme que par devant. Et lorsque les muhajirines sont arrivés à Médine, eux avaient l'habitude de faire plusieurs positions avec leur femme, et notamment par derrière. Et il dit Abdullah ibn Abbas, wa kanat il ansar ou la tujbi. Et les femmes des ansar ne faisaient pas le rapport par derrière. Et certains muhajirines ont voulu avoir des rapports avec donc les femmes ansari avec qui ils se sont mariés, elles ont refusé. Et ensuite, le verset est descendu de Surat al-Baqarah, Nisa'ukum harthul lakum, fa'atu harthakum anna shi'tum. Vos femmes sont un champ pour vous, venez à votre champ comme vous le voulez. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, ihtiha, viens à elle, muqbila, de devant, ou mudbira, ou bien de derrière, ou mutaji'a, ou bien même couché. Donc tout est permis, ça c'est la base. Et wakanatil ansar la tujbi, et les femmes des ansar la tujbi, ici le tafsir, c'est que elles ne se mettaient pas sur les genoux avec la tête sur le sol, le lit. Et d'autres mufassirin ont dit, en position de recours, comme nous sommes en prière, avec les deux mains sur les genoux. Donc les rapports sexuels, on passe la règle générale, c'est qu'il faut donner du plaisir à sa femme et que la femme aussi donne du plaisir à l'homme, et ça aura un impact. Et celui qui néglige et qui ensuite a des problèmes dans son couple, qu'il ne s'en prenne qu'à lui. Aussi un point qui est important, c'est qu'il faut en parler de ça avec sa femme. Hein, il faut en parler. Et s'asseoir ça quand les enfants ne sont pas là et en parler. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que moi j'aime le plus? Lui dire, etc. Lui en parler de ça. Ça, c'est ta femme. Tu peux lui parler. Lui demander qu'est-ce qu'elle aime le plus et lui dire aussi, toi, qu'est-ce que tu aimes, etc. Il n'y a pas de mal à cela. Et aussi, par rapport au fait que la base, c'est qu'on peut tout faire sauf, on avait dit, les rapports anneaux, il faut quand même faire preuve de progressivité. Celui qui commence à se marier, doucement, hein, il fait découvrir des choses à sa femme et elle évolue doucement. Hein, notamment si elle est vierge et qu'elle n'a jamais été mariée auparavant. Il y a aussi une idée qui est propagée, une erreur que j'ai déjà rencontrée, j'ai déjà vu moi un frère faire cela par erreur, mais il s'est fondé sur un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il avait mal compris le délil. C'est que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a parlé donc du polygame, de celui qui se marie avec une deuxième, ou bien une troisième, etc., jusqu'à quatre, que lorsqu'il se marie avec une femme, ce qu'on appelle en arabe une thayyib, lorsqu'il se marie avec une femme qui a déjà été mariée, donc sous-entendu qui n'est pas vierge, il doit rester chez elle 3 jours. Donc tu es déjà marié à une femme, tu te maries à une deuxième. Cette deuxième femme chez qui tu te maries, si c'est une femme qui a déjà été mariée qui n'est pas vierge, tu dois rester chez elle 3 jours. Et après ces 3 jours, tu reviens à ce qu'on appelle l'adl fil qisma, l'équité dans le partage. Tu fais une nuit, deux, ou bien trois, etc. Et si jamais c'est une vierge, tu dois rester chez elle 7 jours. ce hadith il est authentique, il est rapporté par At-Tirmidhi. Il y a des frères qui pensent que lorsqu'ils se marient, ils doivent rester 7 jours chez la femme et ils ne sortent plus de chez eux, ils ne viennent même plus à la mosquée. J'ai rencontré ça. Et quand tu lui dis pourquoi on ne te voit plus à la mosquée depuis quelques jours, il dit, ben, il y a le hadith, là tu dois rester 7 jours et ma femme, je me suis marié avec elle, elle est vierge. Et même le fait que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, an yuqima indaha sab'an, qu'il reste chez elle 3 jours ou bien qu'il reste chez elle 7 jours suivant son statut, ça ne veut pas dire qu'il reste chez elle, il ferme la porte et il passe 7 jours, 7 nuits chez elle sans sortir. Ce n'est pas ce qu'il sous-entend, ça veut dire qu'il doit vivre chez cette épouse-là. Donc ça, c'est les relations entre le mari et la femme. Les points sont très importants, je survole et en espérant passer sur les points principaux. Donc ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour que la vie réussisse, hein, c'est le fondement de ce mariage. Et le mariage, on avait dit, c'est pour parachever donc, notre religion, notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'il y ait un programme religieux dans ce couple. Il faut que l'homme et la femme ils aient un programme religieux. On n'est pas comme les couples de mécréants, simplement on vit comme ça, on mange ensemble, on boit, on a des rapports, etc. On n'a pas de projet religieux. Il faut avoir un projet religieux. Et donc le mari va aider la femme va aider le mari. Et les projets religieux, ils sont connus. Il faut apprendre d'abord notre religion, apprendre nos fara'id ayn, nos obligations individuelles. Et on doit ensemble essayer de lire les paroles des savants. Hein, aujourd'hui, on a des livres même traduits, simplifiés. Et les obligations individuelles, elles concernent plusieurs domaines. Le premier, c'est l'aqidah. Il faut que ce couple-là apprenne le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit s'asseoir, hommes et femmes, et lire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets du prophète alayhi salatu wa salam concernant le tawhid. Par exemple, l'épître de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Al-Usul al-Thalatha. Ça, c'est des choses qu'il faut essayer de lire ensemble. Nawaqidul Islam aussi, les annulatifs de l'islam, afin qu'on ne tombe pas dedans. Et ça, ça, alhamdoulilah, en réalité, ça lie le couple et ça met une baraka, une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce couple. Allah subhanahu wa ta'ala établi sur son trône, voit cet homme et cette femme assis dans un endroit de son royaume en train de lire des paroles pour essayer de découvrir la croyance authentique du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ça, ça doit être la base. La base, c'est pas on fait les boutiques, on réfléchit à notre maison, qu'est-ce qu'on va construire, etc. On parle que de choses mondaines. Ça, ça doit se greffer et travailler notre base religieuse. Donc apprendre nos obligations individuelles concernant la aqidah, nos obligations individuelles concernant l'ibadat, et notamment la purification, la prière et le jeûne. Car ça, on va le rencontrer. Obligatoirement, purification, prière, et le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, la zakat, si jamais on a de l'argent de côté qui réponde donc, aux critères de la zakat, vous revenez vers les durus, on a expliqué ça. Et aussi, al-hajj, si jamais on répond aux critères du hajj, alors à ce moment-là, il faut qu'on apprenne de manière obligatoire la science pour pouvoir faire ce pilier-là. Et etc., les points sont nombreux. On doit apprendre aussi les droits et surtout les devoirs plutôt que les droits, les devoirs que le mari a envers sa femme, et la femme aussi doit apprendre les devoirs qu'elle a envers son mari. Et quand ça c'est la base, bi'idhnillah azza wa jal, ça dure. Et notamment aussi avoir une lecture de hadith en lien avec les exhortations, afin que la maison soit vivante et que toujours il y ait une ambiance d'œuvre pieuse à la maison. L'exhortation à faire les ablutions, l'exhortation au qiyam al-layl, à la veille nocturne, l'exhortation au jeûne du lundi et jeudi, etc. Et l'un des meilleurs livres, c'est connu, Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, celui qui lit de temps en temps des chapitres avec sa femme et puis ensuite ses enfants, Inch'Allah, des chapitres de Riyad al-Salihin, c'est un grand bien, un très très grand bien pour la maison. Et parmi les femmes, il faut comprendre, la femme souvent elle n'a pas le profil d'un frère. D'ailleurs, elle n'a jamais le profil d'un frère. Mais certains frères veulent parfois, ils ont goûté au ilm, et notamment au ilm shar'i dans le sens, les durus avec les délils, dans la tahara, dans le tawhid, les définitions, le côté technique. Et ils ont pris goût à ça et ils veulent souvent que leur femme adhère à cela et qu'elle le comprenne. Qu'une femme elle ait une religiosité, comme a dit Omar ibn al-Khattab, « Kounou ala dini al-ajaiz ». Soyez selon la religion des vieilles dames. Ça s'est rapporté dans le Muwatta, Allah alam, est-ce que c'est authentique. Mais il y avait beaucoup de salafs et de grands imams, lorsqu'ils étaient sur le lit de la mort, ils disaient « je meurs selon la religion des vieillards ». C'est la religion simple. Hein, il est plein de tawakkul, il est plein de ikram, de générosité. Lorsqu'il accueille des invités, il égorge une bête, il distribue. Il se lève la nuit naturellement. Il fait pousser la barbe sans connaître les délils, etc. Nous, si on a ça de notre femme, ça nous suffit. Si en plus, elle commence à ouvrir les livres, les bouquins, chercher les délils, « Ah tiens, ça c'est daif, ah, mashallah, nous reprend même, etc. » Alhamdoulilah, c'est un khair. Mais ça peut être double tranchant si jamais le mari n'est pas à la hauteur pour répondre aux choubouhettes qui vont émerger. Donc, il faut laisser la femme sur son naturel féminin. C'est une femme, elle fait ses 5 prières à l'heure, alhamdoulilah. Elle jeûne son mois de Ramadan, elle fait des nawafil, elle est polie, respectueuse. Elle surveille ses fréquentations, quand elle sort, elle a son hijab. Alhamdoulilah, c'est un khair, un grand khair ça. Ça, c'est quelque chose, Allahu Akbar. Et un homme est venu voir d'ailleurs Abdullah ibn al-Mubarak. Et il a dit, Abdullah ibn al-Mubarak, « Inna mara'ati tarfa'u sawtaha alay. » Ma femme lève la voix sur moi. Il a dit, « Kayfa libasuha ?» Il a dit, « Comment est-ce qu'elle s'habille ?» Et il lui a dit qu'elle était couverte de la tête aux pieds. Il a dit, « Hadihi mara'atun yambari an tukram. » Il a dit, « Ça c'est une femme qu'il faut honorer. » Alhamdoulilah qu'elle ait une religiosité de base, sans parler du fait que masha'Allah elle soit d'une certaine piété. C'est un grand cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle le hadith rapporté par un musulman qu'on avait cité dans le premier dars, ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ce bas monde est un court moment de plaisir, et le meilleur plaisir est la femme pieuse. Et à quelle heure l'Aden? 51. Donc aussi, un point qui est important que négligent certains maris envers leurs femmes, c'est aussi de leur donner de l'argent afin qu'elles puissent faire des dépenses personnelles. Certains ferment complètement les robinets, ne donnent strictement rien à leurs femmes. Si jamais ils ont le oui à chaque fois qu'il y a une demande, et notamment licite, alhamdoulilah, la femme, que l'argent soit dans la main de l'homme ou sa main, le résultat est le même, elle obtient de manière majoritaire ce qu'elle veut, notamment quand c'est licite et ça ne relève pas du gaspillage, etc. Mais si jamais il a trop le nom et qu'il ne donne pas en plus, ça aussi c'est une cause de problème parfois. Donc il faut donner dans la mesure du raisonnable, et la femme voit notre niveau social, elle sait combien on gagne, etc. Inch'Allah, il faut essayer de lui donner de l'argent. Cette expression, a priori, elle pourrait être ce que je viens de développer, ça peut être bizarre pour certains car ils diront, mais elle travaille ma femme. Donc on arrive au point du travail de la femme. Il faut se rappeler que la base, donc pour une femme en islam et sa fonction, c'est de garder sa maison pour pouvoir accomplir l'une des plus grandes fonctions et des plus nobles, qui est l'éducation des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى » Et restez dans vos maisons et ne faites pas le tabarruj, c'est-à-dire le fait de se dévêtir, enfin de montrer ses parties, mais ce n'est pas dans le sens littéral, comme le faisaient les gens dans la période pré-islamique. Certains savants, comme l'imam Mujahid, il a dit, c'est le fait de marcher entre les hommes dans les marchés, le tabarruj, le jahiliyatil oula. Donc la base, c'est ça pour la femme, c'est qu'elle soit chez elle et qu'elle éduque ses enfants. Après, la sortie de la femme, occasionnelle, elle sort alhamdoulilah avec ses vêtements, son hijab shar'i, ça ce n'est pas interdit, ce n'est pas quelque chose qui est interdit, du moment qu'elle ne va pas à l'encontre de ses devoirs dans son foyer. Car les tâches ménagères, ça c'est important, et Ibn Taymiyyah le démontre, elles relèvent de la responsabilité de la femme et non pas de l'homme, ou bien des deux comme certains voudraient nous le faire croire, par souci de montrer une belle image de l'islam aux occidentaux. Cheikh Ibn Taymiyyah montre que le prophète alayhi salat wa salam a vu de nombreuses sahabiyettes qui étaient épuisées par les tâches ménagères et que le mari pouvait aider, et le prophète alayhi salat wa salam n'a jamais fait le inkar. Et il faut savoir que le inkar, c'est-à-dire le reproche, il se fait lorsque on a délaissé un wajib, lorsqu'on a délaissé quelque chose d'obligatoire. Le délaissement de quelque chose de recommandé, si jamais quelqu'un délaisse quelque chose de recommandé, on ne lui fait pas de reproche. Donc ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider sa femme et être à côté d'elle. Le prophète, alayhi salatu wa salam, comme dit Aïcha, كان في مهنة أهلي, il était au service de sa famille, de ses femmes, alayhi salatu wa salam. Ça, c'est un acte du prophète sallallahu alayhi wa salam. Donc c'est recommandé. Mais la base est surtout le fait que le prophète alayhi salatu wa salam ait vu les femmes épuisées comme Fatima radiyallahu anha, qui avait les mains rêches en raison du fait qu'elle pétrifiait les noyaux de dattes. Et il y avait d'autres femmes qui étaient épuisées par le fait de porter l'eau lorsqu'elles revenaient des puits et autres actions épuisantes. Et le prophète alayhi salatu wa salam n'a jamais fait de reproche au mari. Donc la base, c'est que s'occuper du foyer, les tâches du foyer sont de la responsabilité de la femme. Il y a divergence là-dessus, mais ça, c'est l'avis authentique, wallahu ta'ala a'lam, que les textes montrent. Même si le akhlaq du musulman, le comportement du musulman, c'est aider sa femme. Il faut différencier le statut juridique, la ligne qui montre quand je suis dans le péché ou pas, et après la complétude et ce qu'il faut être et le mieux, bien sûr. Donc le mieux, c'est d'aider sa femme et d'être à ses côtés, etc. Mais parfois, on n'a pas le temps, on travaille. Après le travail, on a des occupations et autres, alors qu'elle, elle a la journée libre a priori, notamment si elle tient son foyer. Donc le travail de la femme, ce n'est pas à la base haram. On ne va pas dire c'est haram. On regarde les conséquences de ce travail-là. Et ce travail-là. Donc si jamais la femme garde dans son travail son hijab, ça c'est le premier point qui est extrêmement important, qu'il n'y a pas de mixité, hein, donc d'échange avec les hommes, etc. Et qu'elle ne... Donc ne remet pas en cause ses devoirs du foyer et que le travail en lui-même est licite aussi, il n'y a pas de mal. On ne dit pas que c'est recommandé, on ne dit pas que c'est obligatoire. Il n'y a pas de mal si le mari donne l'autorisation. Si le mari ne veut pas, elle ne peut pas travailler. Donc c'est extrêmement rare sur le sol français, mais il y a, comme alhamdoulilah, des postes de professeurs dans les écoles musulmanes par exemple. Parfois on a besoin de sœurs pour qu'elles enseignent. Et alhamdoulilah, c'est un grand bien si certaines sœurs peuvent prendre ce type de poste, du moment qu'il n'y a pas de garçon pubère, etc. Donc on disait, là on parlait de passer de l'argent à sa femme, ça c'est quelque chose que négligent certains. Et aussi, parmi les bases de la relation entre l'homme et la femme, c'est la confiance. Il y en a qui, par exemple, cachent l'argent qu'ils ont à leur femme. Ils le cachent, ou ils ouvrent deux comptes en banque, un compte pour officiel, et le compte secret. Ils mettent en place des stratégies comme ça. Et la base, c'est la confiance avec la femme avec qui on a fondé notre vie. En plus, il peut y avoir du hirt, tu peux mourir. Après, qui parmi tes proches est au courant que cet argent-là, il existe? Après, tu vas priver, hein, les héritiers, et les gens ne sauront pas que tu as cet argent-là. Donc ça, c'est quelque chose, la base, c'est la confiance. Et la confiance aussi dans la relation entre l'homme et la femme, la femme et l'homme. La femme doit faire confiance à son mari s'il s'absente du domicile. Elle ne doit pas avoir des pensées, hein, comme quoi il est parti chez une femme ou bien qu'il a des relations avec une femme. On ne fouille pas dans le portable de son mari ou bien de sa femme. On ne va pas voir la boîte mail, sans parler des écoutes carrément. Il y en a, ils laissent l'enregistreur et ils vont au travail et le soir ils reviennent, ils écoutent, ou bien la webcam en train de fonctionner. On ne peut pas vivre comme ça. La base, c'est la confiance, alhamdoulilah. Donc, cette confiance est importante. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit « Iyakum wa dhan », attention à la pensée. « Fa inna dhan akdabul hadith », car la pensée est la parole la plus mensongère. C'est le récit le plus mensonger. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, ijtanibu kathiran min adhan » « Oh, vous qui avez cru, délaissez beaucoup de pensées. » Inna ba'da dhanni ithm, car certaines pensées sont des péchés. Wala tajassasu, regardez la chaîne et ne vous espionnez pas. Tu commences à avoir une mauvaise pensée, allez, je vais mettre sur écoute, je vais aller fouiller dans la boîte mail, je vais faire ceci, cela. Wala yartab ba'dukum ba'da, et ne vous médisez pas les uns les autres. Donc là-bas, c'est la confiance, hein, en la femme, et la femme doit faire confiance aussi au mari. Donc là, c'est à peu près les grands fondements, hein. Sûrement j'ai oublié des choses, entre la femme et son mari. Maintenant, je veux passer à la relation entre le couple et les belles familles. Ça, c'est un chapitre qui est important. Je ne sais pas si on pourra le finir ce soir. Donc, alhamdoulilah, lorsque on se marie à une femme, il faut savoir que ses parents donc deviennent mes beaux-parents, entre guillemets. Sa mère devient mahram pour moi. للتأبيد en plus, pour toujours. Donc même si ma femme meurt, je ne peux pas me marier à sa mère. Par contre, si ma femme meurt, je peux me marier ensuite à sa sœur, mais pas en même temps. Je ne peux pas, par polygamie, prendre deux sœurs, quatre sœurs. Ça, ce n'est pas possible. Mais si ma femme meurt, ensuite, je peux me marier à sa sœur. Mais à sa mère, non. Ça, c'est ce qu'on appelle elle, muharramat lit-ta'bid. De manière éternelle, pour toujours, elles sont interdites à nous. Donc, cette femme devient ma belle-mère, et c'est une femme aussi, donc, à laquelle je dois le respect, ainsi que son père, ainsi que ses frères, ses sœurs, sa famille de manière générale, ça devient ma famille, et ma famille devient la sienne. Or, on observe que parfois il y a des tensions, de la jalousie, etc. La base, il faut montrer à notre femme qu'on aime bien sa famille, par les cadeaux, parfois même par l'aide financière, en visitant la famille, pas en attendant que ma femme me dise « viens, on va visiter mes parents ». C'est moi, je dis à ma femme « tiens, viens, on va visiter tes parents ». Et quand je m'assois avec son père, je montre à ma femme, et ce n'est pas par hypocrisie, c'est réel. Je suis content de ce beau-père-là, notamment s'il a une certaine religiosité, etc. On parle de la base, là. Quand je bois le thé avec lui, le café, on rigole, on discute. Alhamdoulilah, il faut que ma femme voie que je partage avec mon beau-père, même avec ma belle-mère, alhamdoulilah, que ça passe bien. Et de même, il faut que la femme... Donc, exprime cette chose-là, qu'elle accepte à 100% cette belle famille-là. Et on avait parlé donc du comportement de la belle-fille avec la belle-mère. C'est important que la belle-fille, elle garde ces valeurs qu'on a héritées et qu'on a perdues aujourd'hui depuis qu'on est venu habiter en Occident. C'est le fait que la belle-fille, elle considère sa belle-mère comme sa mère. Elle est à son service. Ça n'existe pas une belle-mère qui fait la vaisselle pendant que la belle-fille est en train de zapper à la télé ou je ne sais faire quoi. Là-bas, c'est aider cette femme-là, même lui dire « tu t'assois hein. ». Et même, là, comment est-ce qu'on l'appelle? Il y a une manière de l'appeler. On ne l'appelle pas par son prénom. Et nous, de même, on n'appelle pas notre beau-père. Ça, c'est l'urf des Arabes, c'est connu. Tu ne l'appelles pas par son prénom. Tu l'appelles, soit tu dis « ami » ou « etc. » Bref, les expressions connues de respect aux personnes âgées, mais on ne l'appelle pas par son prénom. Il faut montrer un respect au beau-père et de même la fille à sa belle-famille. Donc il faut être naturel avec ces gens-là. Mais l'expérience montre qu'il y a souvent, très souvent, des tensions, notamment entre la belle-mère, ça c'est le mythe avec notre femme, et il arrive aussi parfois entre le mari et peut-être ses beaux-frères ou autres, etc. Ici, subhanallah, c'est la aqida qui va faire que la situation s'arrangera. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidayn wa al aqrabin. Ô vous qui avez cru, soyez acteurs par justice et témoins par équité, même si c'est contre vous ou bien les parents ou bien les proches. Lorsqu'il y a des conflits comme ça, quand est-ce qu'on va jamais s'en sortir? C'est quand le mari tire et veut montrer que la vérité est du côté de ses parents, et que la sœur veut montrer que ceux qui sont innocents, c'est sa famille à elle. Or, celui qui a une aqida d'alliance et de désaveu fondée sur le Qur'an et la Sunna, fondée sur Allah subhanahu wa ta'ala, fondée sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est avec la vérité où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Et il n'éprouve pas, aucun état d'âme, à reconnaître que c'est sa mère qui avait tort, si jamais, effectivement, c'était le cas. Effectivement, c'était le cas. Mais tout ça, ça demande une clairvoyance extrême, une patience extrême. Et souvent, ces conflits-là, ils demandent une grande maturité de la part du mari et de la femme, mais encore plus du mari. Car le mari, il a un certain hilm, parfois, que n'a pas la femme. On a dit, la femme, elle est très sentimentale. Donc, dans ce type de conflit, il faut faire preuve de sang-froid, d'équité, ne jamais se presser. Ne jamais se presser. Parfois le mari va chez lui, il voit sa maman qui pleure. Qu'est-ce qui s'est passé, Oumi? Ouais, c'est ta femme, elle m'a dit ça. Il rentre à la maison, une gifle. Non, ça c'est pas de la hikma ça. Tu as entendu un témoin d'une femme en pleurs, même si c'est ta mère. Déjà la gifle, il n'y a pas de gifle à la base dans le din. Wala tadrib al-wajh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ne frappe pas le visage. Mais en plus, c'est pas comme ça que ça se corrige. Et de même, parfois ça va être la femme, elle va aller donc chez sa famille, elle va entendre une plainte envers son mari ou quoi que ce soit, et tout de suite, ça va exploser. Non, lorsqu'il y a un problème, on s'assoit, on en discute, et après on essaie de voir les personnes concernées, et souvent, je dis, passer par une tierce personne lorsqu'il y a des tensions avec les belles familles. Mais bi'idhnillah azzawajal, ça se passera, incha'Allah, bien. Et il faut comprendre que si jamais nous, on est souvent religieux, alhamdoulilah, on a écouté ce type de dourous, on lit le Coran, la Sunna, on est plus à même de corriger la situation que les beaux-parents qui parfois sont ignorants ou ne connaissent pas bien la religion. Donc on parlait de la relation entre le couple et les belles familles, notamment lorsqu'il y a des problèmes, il faut faire preuve donc de sang-froid, partialité, justice, équité et de patience. Et parfois ça peut être des problèmes qui vont traîner sur des années, hein, sur des années, des rumeurs, parfois ça arrive même jusqu'au bled. Et après on peut prendre une réputation de fils qui a trahi ses parents, qui a fait du mal, etc. Et peut-être parfois d'une fille qui a coupé avec sa famille ou autre, alors que c'est peut-être les mariés qui sont opprimés. C'est possible, ça peut être le contraire. Donc il faut patienter, c'est rarement des situations qui se délient en quelques jours, mais ça demande une grande sagesse et beaucoup de patience et beaucoup de clairvoyance et une vision lointaine. Mais il faut surtout, hein, en amont, éviter toutes les causes donc de conflits. Donc normalement, si on fait preuve, inshallah, de hikmah, de sagesse, on devrait, inshallah, éviter cela. Et parmi les causes de conflit, c'est une erreur que font beaucoup, c'est de favoriser sa femme sur sa mère. Donc ça n'arrange pas les relations femme et avec sa belle-mère. Ne jamais favoriser sa femme sur sa mère, tout simplement parce que c'est haram, c'est interdit. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, lorsqu'on lui a demandé man ahaqqun nas bi husni sahabati, quelle est la personne qui est le plus digne de ma bonne compagnie, il a dit ummuk. Il ne lui a pas dit est-ce que tu es marié. Dans le cas où il serait marié, il aurait dit zaujatuk, tu es ta femme. Donc le hadith est général pour le marié, celui qui est célibataire. La personne qui est le plus à même de recevoir une bonne compagnie de ma part, c'est ma mère. Et ma mère passe avant tout. Des femmes, il y en a d'autres. Si celle-là ne me convient pas, c'est pas ce qui manque. Mais en revanche, une mère, il n'y en a qu'une. Donc on ne peut pas remplacer sa mère. Donc ne jamais favoriser sa femme sur sa mère en faisant par exemple des éloges à sa femme devant notre propre mère. Ça, c'est une erreur. Ne jamais faire d'éloges, même du plat. Ta femme a fait un plat, elle a invité la maman, tu ne fais pas d'éloge du plat devant la maman. En revanche, tu fais des éloges du plat de ta maman devant ta femme. Et déjà, dans les coulisses, vous êtes complices. Alors, je reviens vers un point qui est important, que j'ai oublié. Après, on va s'éloigner si on continue demain. On avait parlé du programme religieux à la base. Certes, programme religieux, mais on ne fait pas que du religieux toute la journée. Et il y a une période qui est difficile souvent dans les débuts du mariage, c'est quand on n'a pas d'enfant. Et cette période peut durer longtemps parfois si jamais Allah ne nous donne pas d'enfants. Ça, c'est lui qui donne et c'est lui qui prive, subhanahu wa ta'ala. Et notamment les premiers mois, tout ça, la femme, si le mari travaille, elle reste seule à la maison. C'est parfois difficile, notamment s'il n'a pas mis de télé et qu'ils se sont mis d'accord là-dessus. Donc, il faut essayer de remplir le temps de la sœur. Le temps de cette femme-là, il faut essayer qu'elle le remplisse. Donc, certes, par des activités religieuses, aussi, donc on a dit, apprendre la langue arabe, c'est bien. Maintenant, on peut même faire de l'apprentissage à distance, qu'elle ne soit pas avec un homme, mais si elle peut avoir une prof femme avec le casque et tout ça, là, sans la photo, mais simplement par l'oral, c'est un grand khair. Elle peut avoir une prof d'Égypte et apprendre l'arabe avec elle, faire des heures comme ça dans la semaine. Après aussi, avoir des activités mondaines. Alors, elle aime la couture ou autre, si c'est une grande étudiante. Je ne sais pas sa spécialité, elle peut utiliser ces connaissances-là, alhamdoulilah, à la maison, d'une certaine manière qu'elle saura mieux tant que ça reste dans le licite. Mais cette période, il faut bien la gérer. La période du début, il n'y a pas d'enfants. Les enfants, ils vont remplir le quotidien tout de suite. Mais quand le mari n'est pas là 8 heures par jour et que la femme est dans l'appartement ou la maison, c'est parfois délicat. Donc elle reçoit des visites, elle peut aussi visiter, alhamdoulilah, des gens de bien, mais parfois il y a des tensions et il faut, inshallah, essayer de gérer cette période. On revient aussi, et j'ai oublié, on avait dit que la femme marchait beaucoup avec les sentiments. Certains problèmes ont lieu parfois parce que les maris ont méconnaissance de deux grandes étapes concernant leur femme. La première, c'est quand elles ont leur menstrue, elles se métamorphosent en termes d'hormones, et en termes donc de comportement, et la femme souvent elle est nerveuse, hein, elle parfois supporte même pas de regarder son mari, son odeur, son physique, et elle est de mauvaise humeur. Et ça, parfois, certains frères n'ont pas connaissance de ça, qu'une femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle change de caractère. Et si elle lui parle un peu mal ou de manière ferme ou ça, il tape du poing sur la table et parfois ça va plus loin et après ça va même jusqu'à casser. Donc il faut comprendre que la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, c'est normal ça. Elle n'est pas de bonne humeur, elle ne veut peut-être pas trop te voir, elle n'est pas bien. Une autre étape, c'est les débuts de la grossesse aussi. Dans les débuts de la grossesse, notamment les premiers mois, elle ne pourra même pas te voir sûrement. Parfois elle te regardera, elle ira au lavabo vomir parce qu'elle t'a vu. Elle ne supporte pas ton odeur. Si tu viens, elle change de pièce, elle ne veut plus te voir, elle ne te supporte pas. Même le son de ta voix, parfois, elle ne veut pas l'entendre. Et souvent, il y a des divorces dans cette période-là. Et là, c'est une période où il faut patienter et il faut être, alhamdoulilah, sage. Et Inch'Allah, ça perdra. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.